de Montalut, j'ai lu Poémalou d'Apollinaire qui allait partir à la guerre, recevoir son éclat de but. Recevoir son éclat de but. Autour de Montalut, j'ai cru voir dans leurs habits militaires des hommes jaillis de naguère. De ces mauvais temps révolus. De ces mauvais temps révolus. Je te salue, poilu, de la dernière pinobule. Je te salue, poilu. Il nous faut dire jamais plus, il nous faut dire jamais plus. Du haut de Montalut, j'ai pu écouter monter la prière de ceux qui jadis haranguèrent la mort qui leur était connue. J'ai bu avec eux la dernière bière parmi ces soldats qui blaguèrent. Était le soldat inconnu. Était le soldat inconnu. Je te salue, poilu, de la des dernières puis de but. Je te salue, poilu. Il nous faut dire jamais plus, il nous faut dire jamais plus. Salut, j'ai vu les compagnons d'Apollinaire partir ensemble pour la guerre. Ils ne sont jamais revenus. Au pied de Montalut, j'ai su que tous les hommes étaient mes frères. Dans mon cœur ne s'efface guère ces voix qui me sont parvenues. Ces voix qui me sont parvenues. Ces voix qui me sont parvenues.